Chatix, Massé, Salvio, Jen Farm, Tansa, you bagaton, Tansa from, Tansa from, Tansa from, hey, hey, we met some Jen from Tansa. Ton copain n'est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon, belle la choco en chair bon, bagaille la cycle même quand en bon bon fini bon moi ça depuis sorti bon moi dit femme là je femme moi dit moi non moi dit t'as un con il dit c'est un con il dit moi mettez ça au fond c'est les ça il a sorti ça bon. Ton copain n'est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Non mon il pas bon. Bouga qu'on a des mi-portions. Mathé bon pas oui, faut savoir. Gardez ces papiers, ces oignons. Gardez mazel la café, ça ou savent que c'est pas pour y couillon. Après, il petit cap, bakouillon. Vini sous ses sacos, c'est une limon. Ton copain n'est pas bon. Il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon. Il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon. Il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon. Donne ça. Eh, eh, yal. Ou la j'aime, ou la game bah on lot gal. Ou peke ton, ou ouvle sous ses con on lot gal. Ou peke voy, en boli chebe con lot gal. Ouvle vin point, ou pate ke j'entend. Ton copain n'est pas bon, en te bon chon l'oignon. Ou pate ke ton ça, si en boli chon ching chon. Ouvle vin gade point, j'ai l'fom vin gade fey. Ou pate ke j'entend, pour gade met ni en fey. Ton copain n'est pas bon, ton cocoon n'est pi boum. Ton copain n'est pas bon. Ouvre les vignes, garde les foun. Ton copain n'est pas bon. Ok, bon, chon loulou. Ton copain n'est pas bon. Garde ça pour le monde. Ton copain n'est pas bon. Il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon. Il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon. Il est pas bon, il est pas bon. Ton copain n'est pas bon. Fais-le, garde les goloyons. Aïe, aïe, aïe. Putain, Chatix, Massé, salut Léo, Jeune femme, Tansa, you bagaton, Tansa femme, Tansa femme, Tansa femme, hey,